Je suis le meilleur, meilleur, meilleur. Je suis le meilleur, meilleur, meilleur. Je suis le meilleur, meilleur, meilleur, meilleur, meilleur. Je suis le meilleur. Tu peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que j'ai fait dans ton texte, de la merde et de la meilleure. Elle veut lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Tu ne peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Que je fais dans ton texte, de la merde et je la paye. Après me lui donner ta meuf, car tout le monde sait que je suis le meilleur. Yep, Vlad Seigneur, t'es bien vu dans mon règne. Je veux bien sortir ton cul, et puis t'as d'ambiance dans lesquelles tu le baignes. Je sais que t'as la haine, vu tout ce que je t'emmène. Du flow et trop de style, tu me connais plus quand je suis sur la scène. Texte sans gêne, je fais pas tant zen. Je fais que du hardcore, faut que tu comprennes. Ce soir, je suis le winner, je persiste et signe. Tu dois analyser la perfection de tous mes lignes. Tu peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que j'ai fait dans ton texte, de la merde et je la paye. Après, mais lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Tu ne peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que je fais dans ton texte, de la merde et je la paye. Après, mais lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Quand devient ma bitchy, je serai ton MC. Y'en a crazy, si t'as ça comme désir. Va donc mon élixir, rentre dans la luxure. Tito Pipus, comme toute la night, c'est la douture. Bienvenue dans le futur, tout y est plus dur. Mais tout y est plus mûr, donc tout y est plus sûr. Plus sûr. J'ai une nouvelle sape et une nouvelle chaussure. La dernière paire de pelles, c'est sur mes yeux, j'ai plein la facture. C'est ton pâture, je te rectifie d'une rature. Je ne fais pas de bévue, car je connais ça, c'est crevure. Trop de points de suture, mais ça haut, je prends pour des durs. Trop de points de suture, mais ça se gonfle comme la levure. Tu ne peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que j'ai fait dans ton texte, de la merde et je la fraye. Après, mais lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Je promets sur le beat, je promets sur le flow. Faut que tu perds sur la plupart de mes putains morceaux. Choco plein, vas-y go, j'ai mon putain de saligo. Pousse ta basse, kick le beat, sur mon son devient idiot. Get silly, et même si tu fais médecine, éclate-toi, fume tes joints, je ne supporte pas les mecs pin. On fait les mêmes crimes, pratique la même prime. Donc va pas ta tête avec moi ou ça part en escrime. Tu peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que j'ai fait dans ton texte, de la merde et je la paye. Après, mais lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Tu ne peux pas me tester, sais-tu pas que je suis le meilleur. Je ne retourne pas ma veste, surtout pas que je suis un player. Ce que je fais dans ton texte, de la merde et je la paye. Après, mais lui donner ta meuf quand tout le monde sait que je suis le meilleur. Yeah, je suis toujours plein, mec. Il va pas me tester dans la vie comme dans le rap. Yeah, il sait que je suis toujours le meilleur. Enfoiré, ouais.